Hello, salut Marcus. Oh, salut Sophie. Bonjour à tous les auditeurs. Mille excuses pour ce léger petit retard que vous n'entendrez pas en différé, mais que vous aurez ce soir en direct. C'est ça, le gros avantage du direct. Bon, on s'adapte. Bah voilà, c'est ça. Bah en fait, on avait imaginé avoir un invité qui n'est pas là. On avait imaginé avoir Philippe ou simplement des nouvelles de Philippe, mais on n'en a pas non plus. Oui, on est un petit peu habitué aux manquements, bah aux ouais. absences. Alors moi, j'avais quand même plus ou moins prévu qu'on soit un peu plus. Alors bon, je pense qu'on va passer... pas mal de morceaux de quelques disques. Vous inquiétez pas. Oui, on va toujours se débrouiller. De toute façon, c'est simple. Vous aimez pas la zik qu'on aime, eh ben vous changez de station et puis voilà, c'est tout. Ouais, ou vous nous appelez au 03 29 62 40 40 et puis vous nous demandez ce que vous voulez et puis si ça nous plaît, on dira oui. Avec ça un ça nous plaît pas, on dira non. Eh ben on dira autre chose. Voilà. Alors, on va démarrer avec Iggy Pop, on enchaînera après avec Santana, et en fait, c'est une compilation hein, de Guitar Story, c'était une série qui était sortie, j'en ai qu'un, mais il est pas mal, et souvent dans ces compiles-là, c'est quand même des bons morceaux qui sont choisis. Oui, ceci dit... Alors, Iggy Pop, c'est Easy Rider, tout simplement, et puis Santana, c'est Let's Get Ourselves Together. In the alley where the lamplight glows, hot night, sweats our clothes. My head is cracking fire. That's what you inspire. The real highway is the signs. People driving to their lives. Looks like a giant stream, but it's just a dream. He's a rider. He's a rider. He's a rider. He's a rider. You need a way out, you need a ride. Cause way out is suicide. He's a rider. He's a rider. He's a rider. Open wind, clearing out my head. I see fertility in pretty girls I meet. I love my friend who gives me honesty. Honesty. Highway in the sun. Listen to the engines run. I wanna find myself in you. You wanna find yourself too. Santana fait partie des artistes qu'on croit connaître, et puis finalement on redécouvre toujours des morceaux. Oui, hein. Bon, on reconnaît bien le site. Attends, je vais baisser un peu. Voilà, un peu trop d'écho à mon goût. Et oui, on reconnaît quand même bien le style de, des envolées de guitare, enfin, etc. Moi, j'en ai beaucoup, beaucoup écouté quand j'étais toute gamine. Il a un son, et son son. Oui, on le reconnaît. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Marc ? Oh ben, un petit... Bon, j'en passe régulièrement. Il n'y a pas de raison, je ne suis pas le seul. du G-Love and Special Sauce, parce que j'adore. C'est pas tout nouveau. Il continue à tourner. Et le morceau s'appelle, je ne sais plus, de toute façon, j'arrive pas à le dire. C'est pas grave. G-Love and Special Sauce. Remplissez-vous les oreilles. To Lance. and out by my time. I'll meet you way little try. Oh, now I'm down here in the heat, babe. Oh, and I'm cooking. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, come on. Me away. I said you'll take my place. Well, you want me as I want. There were both different face. And you so sweet. Oh, just like Rosa Moscato. The way I make you love. Yes, and I'm crying. Oh, I'm crying. Baby, I'm crying. Et voilà, G-Love, un spécial sauce, simple, efficace, le gars qui n'a pas une culture blues, funk, est très groove. Il y a plein de groove là-dedans. Du bon son. On va enchaîner avec Pink Floyd. C'est alors, vrai. Je ne suis pas absolument sûr des morceaux. Normalement, on commence par Crazy Diamond. Mais... Non, Wish You Were Here, normalement. Et... Ah bah loupé. Non, c'est dans l'autre sens. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en plus, alors il y a pas grand chose marqué sur la pochette et il y a pas vraiment les sillons marqués non plus sur le 33 tours car j'ai rapporté un vieux 33 tours. Et bah parce que surtout les morceaux sont enchaînés donc ouais, ils s'enchaînent complètement. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a pas. On est à la fin de Wish You Were Here et on commence par Shining on a Crazy Diamond. D'accord. Alors on y va avec ça. C'est difficile, tous les morceaux sont enchaînés. Pour ceux qui n'ont pas reconnu Pink Floyd. Ouais, voilà. Moi j'aime bien. Ça fait toujours du bien d'entendre ces vieux trucs. Ça fait combien de temps qu'ils ne tournent plus ? Ça fait un paquet d'années déjà. Ben, disons, leur histoire est un petit peu compliquée. Depuis les années, après The Wall, depuis les années 80, ils se tirent un peu dans les pattes. Ouais, ils ont fait des albums magnifiques. Hein. En tout cas, c'est bien, parce que nous, on en profite toujours. Et à redécouvrir, pour ceux qui connaissent justement les albums The Wall, Dark Side of the Moon, Wish You Were, écoutez les autres albums, ça vaut des points aussi. Mais bon, visiblement, t'as amené quelques disques, on va écouter un peu d'Animals ou je sais pas quoi. Ouais, on va écouter ça, absolument. Alors, moi j'ai... C'est pas que je suis en manque d'inspiration, c'est quand même un morceau que j'aime bien, comme il n'y a pas à dire. Prince, avec ses qualités, ses défauts, mais il a quand même beaucoup de qualités. Il n'a pas vécu très longtemps, mais par contre, ça a été extrêmement prolifique, sa carrière. Et lui, c'est un véritable zikos. Je ne sais plus quel album il a fait. Il l'a fait tout seul, mais vraiment tout seul. Oui, il a fait tous les instruments. Tous il les joue instruments, à peu près tout, ouais, clavier, c'est... basse, guitare, batterie. Sans oublier une sacrée voix, quoi. Enfin bref, j'ai pas choisi le morceau le plus original, Purple Rain, mais ça me fait plaisir de l'écouter une fois de temps en temps. On s'envoie Prince. Eh ben, c'était très bien. Hein. Bon, je me suis pas fait que des copains là-dessus, mais j'aime bien, j'y peux rien, c'est comme ça, j'aime bien. Pourquoi, ils apprécient pas? Oui, il est un peu... Ouais, il est un petit peu connoté, Prince, mais bon, moi, franchement, pour moi, c'est bien fait, c'est de la qualité. Absolument, ouais, moi, je trouve aussi. Alors, du coup, je crois qu'on va repartir... Avec Sting, qui est donc un... Un artiste anglais qui est assez éclectique, mais bon, c'est... Ah oui, il a quand même beaucoup voyagé. Voilà, il a un peu tourné dans le monde entier. Il défend diverses causes aussi, au passage. Il a joué, par exemple, sur la scène du Bataclan, en novembre 2016. Oui. Un concert au profit des victimes des attentats. Il est aussi pas mal engagé dans la défense de la forêt amazonienne. Bon, il a tourné un peu dans le monde entier. Il a une voix très particulière, je trouve qu'on reconnaît bien sa voix. Oui, oui. Mais je reviens à son côté, il est vraiment humain. Quoi. Oui. C'est un vrai. Et puis il a appris la musique tout seul. Hein. Il joue de tout un tas d'instruments. Il joue de la flûte de pan, il joue de la guitare, il joue de l'harmonica, il joue... À une époque où il s'est énervé sur les instruments du 16e, 15e, 17e siècle, donc avec pas mal de doigté. D'accord, faudrait qu'on retrouve un album comme ça, tiens, ce serait pas mal ça. Voilà, donc il tourne toujours. On va envoyer ce morceau-là, je ne sais même plus, c'est The Dream of the Blue Turtles. I have to do. didn't know what time it was. The lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, like a soul said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Bon ben, on a eu au moins deux auditeurs qui nous ont envoyé des messages pour dire que certains n'aimaient pas Sting. Il y a Francis qui a appelé, il a un copain qui est passé chez lui et qui a râlé parce que Sting c'était pas bien. Et puis il y a un message de Philippe qui nous dit pas du tout pourquoi il est pas là, mais qui dit « Cool, vous avez viré Sting, vive Bowie ben, !» oui, non mais c'est pareil, je comprends pas qu'on aime pas Sting. J'ai du mal avec les gens qui n'ont pas les mêmes goûts que moi. Ah, ben écoute, tous les goûts sont dans la nature, y compris les plus mauvais. Je suis bien d'accord, il y a une production de country qui est pas terrible. Ah, on n'a pas du tout amené de country ce soir. Hein. Oh, étonnant. Mince. Ben, moi j'ai prévu plutôt un peu guitare, quoi. Oui. Alors, guitare électrique en principal, mais bon... Donc, ouais, si dans un mois, on a un guitariste avec nous... Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le thème-là, on a du choix. Voilà. Et ben, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pris aussi Elliott Murphy, que j'ai découvert au Festival des Granges, près de Bar-le-Duc, à Lémont. Et c'est un festival qui est basé sur la guitare. Et bon, il passe absolument tous les styles, mais il faut qu'il y ait au moins une guitare dans le groupe. Voilà. Pardon. Et pour la petite histoire, il y a Elliott Murphy et il y a Peter Elliott Murphy, à ne pas confondre. Oui, oh ben Elliott Murphy, moi je l'ai vu en été sous un chapiteau, complètement vautré dans la paille, parce qu'à l'époque, c'était encore sous chapiteau, dans un pré, donc, lequel pré avait été totalement inondé par... il n'y avait pas de sécheresse à cette époque-là. Et donc, pour que le terrain soit praticable, ils avaient ouvert quelques bottes de paille en bonne épaisseur, et on était tous vautrés dans la paille. Sauf que quand Elliott a commencé à jouer, bon, ben là, on s'est un peu levé, quoi. Et c'est assez amusant de danser dans la paille, d'ailleurs. Quand même. Ouais, ouais. Ah oui, non, ça, c'était assez rigolo. Et d'ailleurs, il revient encore cette année au Festival des Granges. Ma foi, vous verrez bien si ça vous... Il doit commencer à choper un peu de bouteille. Ah ben, il est né en 49, mais il a une sacrée pêche, hein. Oui, oui. Ouais, ouais, il bouge bien. Hein. Il bouge... Puis il est très sympa. Hein. Il est très nature, il rigole bien, enfin, bref. Ouais, il est né dans l'État de New York en 49. Alors, j'ai choisi un morceau, un peu au hasard, comme d'habitude. Je ne sais même plus lequel c'est. Oui, King for a Hero. Oui, non, en théorie, c'est ça, mais... Alors, on a eu bien du mal à le trouver, parce que les morceaux qui sont inscrits sur la pochette du disque ne correspondent pas... Enfin, il y a tous les morceaux, mais absolument pas dans le même ordre. Donc, normalement, vous devriez entendre Looking for a Hero. Down. There's only one thing you do, I don't believe, and that's when you smile. Oh, oh, baby, you got such a way with words and such a way with your hairstyle. There's only one thing you do I don't believe, and that's when you smile. Looking for soul. Le morceau qui n'en finit plus. Ils sont blagueurs, hein, quand perturbé. Même. Ils sont blagueurs. Prêts à sauter sur les boutons. Bah, j'ai déjà loupé. On a passé deux morceaux de. Oui, on en a enchaîné un deuxième. Alors, je vous en donnerai pas le nom parce qu'ils sont pas du tout dans le même ordre que sur la pochette. C'est pas grave. Et puis le temps est plus difficile à prévoir avec des 33 tours. Hein. Oui. C'est ah, pas oui. Les mêmes manips. Bah, surtout quand on fait autre chose. En plus. Alors, bon, en gros, la guitare, c'est bien. Mais c'est bien aussi quand ça remue un petit peu. Donc, il y a deux façons de jouer le boogie. Soit main gauche au piano, soit à la gratte. Bon, alors, vu qu'on est dans la gratte, choisis un petit morceau de Johnny Hooker. Excellent. Un petit boogie. Et est-ce qu'on passera quand même un peu de ou, puisque Phil les réclame ou... Il a qu'à venir. Il avait qu'à être là d'abord. Hey baby, look baby, look baby, look baby, good for your life. Look baby, make me feel good. Look baby, I feel good. Hey, hey, all right. Join the boogie on Rugged Hill. Doing the boogie on Rugged Hill. Hey, hey. In San Francisco. Now, baby, move, move. With the boogie. Now, baby. Move, move, the boogie, baby. The sugar, sugar. Do the boogie, baby. All night. Do the twist. Do the twist. Do the shake. Do the twist, baby. Hey, hey. Look, people, it's a long plane hour. We can party all night. Get high. Put your hair down at midnight. Mm-hmm. I feel that moving. Wanna dance. Wanna dance. Dance, dance. Ah-ha. Ah-ha. Look at higher. Look higher. Take me higher. Mm-hmm. Eh oui, même les boogies ont une fin. Pourtant, ça pourrait durer des heures, mais c'est pas grave. Bon, alors j'ai encore reçu toute une série de messages, donc en fait, je ne m'adressais pas au bon Philippe. Donc Philou, Philou, tu as toutes mes désolations, excuses. Donc c'est Philippe, le copain de Francis, qui nous envoie des messages. Enfin, en tout cas, il a dit que tu étais très beau et qu'il t'aimait. Hein. Ah bah, merci pour le compliment. Bon, allez, bah, on enchaîne. Je m'adresse à tous les Philippe du monde. J'espère que vous aimez Chuck Berry. Ça m'étonnait que le nôtre nous écoute. Bah oui, parce que logiquement, il est pas là pour. Enfin voilà, s'il est pas là pour faire la radio, c'est qu'il a une très très bonne raison. Sinon, ça va pas du tout. Bon, Chuck Berry, il est mort en 2017. Hein. Oui, il était temps que ça s'arrête. Pourquoi ? Non, sur la fin, il savait plus jouer. Il a fait des concerts. Il regardait le bassiste pour savoir où on en était dans le rock. Non, c'est pas bon ça. Ah, bah il y a toujours un jour. Hein, il est né en 26. Hein. Il y a toujours un moment où il faut savoir s'arrêter, en fait. C'est ça. Mais bon, en attendant, il nous a bien régalé. Et donc, un petit Johnny B. Goode. Oh bah, c'est type un classique. Ouais, complètement. C'est pas grave. Johnny B. Goode. was not in sight. I asked my friends about her, but all they lived was tight. Lucy, please come back while you're alone. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucy was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucy, please come back while you're alone. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, please come back while you belong. Lucy was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucy, please come back while you're alone. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucy was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucy, please come back while you're alone. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, baby, satisfy my heart. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas leur classique, ce n'était pas deux morceaux de Chuck Berry, c'était Chuck Berry suivi de, du petit Richard, Little Richard de Lucille. Voilà, ce qui se faisait à l'époque dans les années 50, ça dépotait quand même pas mal. Oh bah oui, il a 86 ans aujourd'hui. Hein. Oui, oui, oui, et ça vaut des points. Alors, un tout petit peu après, il y a eu un ovni. Screamin' Jay Hawkins. Alors on est plus dans le blues que dans le rock. Entre les deux, quoi. Surtout plus déjanté, quoi. Ouais. Il paraît qu'il avait autant de gosses qu'il y avait de porcs sur Terre. D'accord. Okay. C'est un gars qui voyageait beaucoup et on n'a jamais réussi à faire son arbre généalogique, c'était impossible. Bon, si on entend sa musique aujourd'hui, alors qu'il est décédé, il y a, oui, enfin, il a dépassé la centaine de gosses reconnus, et il y a plein qui demandent à être reconnus, mais qui n'y sont pas. Qui n'y arrivent pas. Il n'a pas laissé assez d'ADN. Il n'y en a pas pour tout le monde. Enfin bref, très déjanté quand même. C'est un gars qui chantait avec des costumes, des os dans le nez, des... voilà quoi. Et puis une mise en scène assez terrible. Il donc... était chanteur fantaisiste pour l'armée. Ah bah ils ont dû rigoler. En Allemagne, au Japon et en Corée. Ah bah ils ont dû rigoler un peu. Ouais, chanteur fantaisiste, ouais, il a démarré comme ça. Bah ouais. C'est une grosse mise en scène. Bon, je vous passe le classique. J'aurais pu passer pire comme morceau. Je vous passe I Put a Spell on You, Je te jette un sort. Ça va encore, celle-là, elle est encore écoutable. Bah ça c'est un déjanté hein. Alors c'est excellent parce que là c'est des morceaux qu'on trouve sur l'ordinateur. Il y en a qu'on a en CD, il y en a qu'on a, enfin bref, on peut un peu de tout. Et du coup on a l'image. Oui, oui, franchement oui, amusez-vous, allez voir un avec petit une peu tête de mort dans la main et un os dans le nez. Moi qui le connaissais que sur vinyle, ou voilà quoi, ça me fait plaisir de le voir en image sur scène. Fabuleux. On reste sur scène. Là, on repart en 69. On n'était pas loin d'ailleurs avec Post Spallone. Petite version que je ne connais pas, donc on va découvrir. Eh ben, du coup, oui, on fait plaisir à Phil parce que ce n'est pas le même Phil. Merci Phil. Par contre, ce Phil-là, si un jour on passe dans les Vosges, on peut venir à l'émission aussi. Hein. Pas de problème, on est ouvert. Oui. Nous a demandé un petit morceau d'Eki, et ben on va lui passer l'ouverture Undertaker de Tommy. On en voit. Thank you. J'ai complètement perdu le fil. Oh, bah, je suis presque étonné d'ailleurs. Bon, enfin bref, voilà, c'était la fin du morceau. Ah oui, on a dit qu'on enchaînait avec Neil Young. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc. Ouais. J'en ai déjà passé il y a 15 jours. Bon, Phil, on va oublier le Feel Me. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, on continue. Nous, on saute un petit peu d'un groupe à l'autre, d'un auteur à l'autre. On n'a pas de français hein, ce soir. On ne fait que du. Ouais, c'est assez rock ce soir. Bon, ça dépend. Oui, bon, après, s'il y a des auditeurs qui veulent des morceaux, on ne sait jamais, hein, des fois que ça nous plaise et puis qu'on les trouve, vous pouvez toujours appeler au 03 29 62 40 40 sur Radio Gémozo. Et surtout, je vous conseille de téléphoner pendant les RDIF, c'est bien. Oui, c'est mieux. Je vous rappelle que c'est en direct le jeudi. Un jeudi sur deux. Ah, en direct le jeudi de 20h à 22h. C'est mieux. Les semaines impaires. Oui. Voilà. Rediffusion le mardi à 16h. Et le samedi. Et le samedi à minuit. Voilà, quand vous rentrez de je ne sais où, bah vous pouvez toujours vous brancher Radio Gémozo, vous aurez toujours de la bonne musique. Même quand c'est pas notre émission. Oui, oui, et puis de toute façon, c'est toujours pareil, hein, l'auditeur est libre. Absolument. Alors, on a dit Neil Young. On a vérifié, on a les bonnes... ah oui, je pense qu'on a là les morceaux du... Le dernier de la phase 2. Les morceaux correspondent, ouais, ouais. Peace of Mind, sur le disque, c'était au même endroit. Donc normalement, ça doit être ça, Peace of Mind. That you will never want to let her go unless you leave her first. Then you come out on top. But still there's just one thing you haven't got. It's hard to face that open space. Ben voilà, pour ceux qui en doutaient, il y a même les craquements du vinyle. Oui, hein. Avec la voix bien reconnaissable de Neil Young. Ah oui, oui, on ne le confond pas. Oui, oui, y en a quelques-uns comme ça. Dès qu'ils ouvrent la bouche, ça y est, on sait ce que c'est. Donc on ne passe pas les Kings, en tout cas pour l'instant, mais par contre, toi, ça t'a fait repenser aux Troggs. Absolument, ouais, ouais. Groupe de rock britannique. Originaire d'Andover. Des années 60, pareil. Ouais, voilà. Avec un morceau, notre fille avait dit, ça n'a pas vieilli, ça a 50 ans, ça n'a pas vieilli. Et il avait raison. Je pense, c'est un morceau qui s'appelle Black Bottom. C'est loin d'être leur plus connu. Mais c'est un morceau, tu le ressors maintenant, ça fonctionne. Et ça, ça veut dire qualité. Allez, on s'écoute ça. Exactement. Everybody's doing a black bottom, black bottom. Don't like him, but I just can't stop him. Doing the black bottom, black bottom. They got me two and two. I said, Al, let me make a suggestion. He said, no, let me make one to you. If they don't stop by morning, I'll give you this warning. I'll have a contract out on you. Black bottom, black bottom. Don't like him, but I just can't stop him. Doing the black bottom, black bottom. They get me two and two. This incredible bang. And as the smoke cleared, we were shaking with fear, 'cause there stood Al Capone and his gang. And they were doing the black bottom, black bottom. Don't like him, but I just can't stop him. Doing the black bottom, black bottom. They got me doing it too. Ben voilà, rien d'exceptionnel, mais un morceau bien ficelé. Black Bottom, The Troggs. Et maintenant, on va passer. Ben, on reste encore dans la guitare, et puis quand même un style plutôt rock. avec Chris Isaak. Chris Isaak qui est né en 56 en Californie, pour situer un petit peu le lieu et l'époque, parce que sinon en soi on s'en fiche un peu. Et le morceau s'appelle Waiting for the Rain to Fall. Je crois que c'est tout à fait d'actualité. Oui, il vient de Californie hein, quand même. Oui, aussi, c'est ça. Mais dans les Vosges, ça va finir par être d'actualité un jour. C'est déjà d'actualité. Un peu, ouais. Et ailleurs, c'est pire. You and I don't love each other. We don't talk to one another. I don't think you love anyone in this world at all. I'm just waiting for the rain to fall. Tears may fall and clouds may gather. I should go, I think I'd rather wait until there's no chance left at all. I'm just waiting for the rain to fall. I'm just waiting for the rain to fall. On arrive. On arrive, deux secondes. On était en train de faire autre chose. On était en train de réfléchir à la suite. Hein. C'est moitié préparé, moitié improvisé, on va dire. Oui, ça va, on a un peu le temps. Oh. Non, mais ça n'a pas duré longtemps non plus. Alors, on va repartir sur un petit John Butler trio. Ouais, moi j'avais envie de vous proposer Funky Tonight, que j'adore. C'est extrait de son disque Grand National qui est sorti en 2007. Et si un jour vous avez l'occasion de voir la vidéo, c'est totalement déjanté. Alors, je vous en dis pas plus, ça gâcherait. Je suis embêté parce que j'ai plein de plein de versions. Funky Tonight, j'en ai 15. Attends, je vais t'aider. Je regarde. Mais voilà quoi. On va trouver. Alors ça va de 12 minutes, 4 le clip minutes. Officiel, allez, c'est... hop, allez. Ah oui. C'est parti. Il est trop bien. Successful. All we have to do is remember the triangle of success. If we can build trust, if we can build communication, and if we can build delegation, we can make the triangle of success. And we will go from nothing to success practically overnight. And if we continue to use it like I said, you will find that this controlling emotions and building trust would not require. Et ben voilà, John Butler Trio avec ce côté radio, profiter de la ZIC, et nous on a profité de l'écran d'ordinateur pour voir le clip. Ouais, et puis je vous suggère qu'une chose, c'est d'aller le voir, hein, ce clip-là. Alors, Funky Tonight, voilà, c'est merveilleux. Le clip officiel. Bon, alors tu nous enchaînes avec du qui bouge aussi. Ah, ça aurait été difficile quand même de passer... Bon, c'est pas une spéciale guitare, mais... on a parlé de beaucoup de guitare. Oui. Bon, sans parler d'Hendrix, c'est un peu chiant. Ah oh bah oui. J'ai failli vous passer du zappage. Je vais vous passer à côté, c'est bon. Ce sera pour une autre fois. Mais Hendrix. Parce que là, ça touche à sa fin, donc je pense que ça va être presque le dernier morceau. Ah non, c'est un petit morceau de 3 minutes. Bon, bah l'avant-dernier morceau. Et puis voilà. Allez, bon, on écoute, c'est le mieux. Ben voilà, à consommer avec modération, Purple Haze, Jimi Hendrix. Ah, oh, quand même, sa guitare, c'est exceptionnel. Hein. Il est exceptionnel. Non, mais bon, là... T'en écouterais pas un disque entier à la suite? Ah si, mais... Une folle soirée rock'n'roll. Non seulement, il y a évidemment son jeu de guitare, quoi, mais en plus, j'adore sa voix. Quoi. Oui. Il a une voix fantastique. Tout le monde, évidemment, oui, le premier truc qui vient, Hendrix, guitare, okay. Mais putain, il a une putain de voix. C'est vrai qu'on associe à la guitare, mais bon, pas seulement. Alors, on va donc continuer. Oui, on a encore un petit peu de temps devant nous. Oh, bah, je crois que ça va terminer rock'n'roll, hein. On s'est carrément fait une soirée rock'n'roll. C'était pas plus prévu que ça au départ, mais ça dépend un peu comment je pioche à la maison. Oui, et puis on... Dans mes bacs à disques, pas toujours fortement bien rangés, mais bon. On s'adapte. Oui, voilà. Puis de toute façon, on passe souvent que ce qu'on connaît, hein, non, aussi. Oui, oui, oui. Puis ouais, des fois je prends un peu au hasard. Hein, je connais pas tous mes disques, loin de là, donc... quelquefois, bon, je découvre en live. Bon courage. Ouais, c'est ça. J'ai un peu du boulot. Pas fini les fouilles. Non, j'ai pas encore fini les fouilles, non. Ben non. Mais là, on va continuer avec Lee Rocker et Slim Jim, qui formaient le groupe, donc, de The Stray Cats. Oui, sans oublier quand même l'essentiel. L'essentiel de ceux qui... Le guitariste-chanteur, Brian Setzer. Lee Rocker, Slim Jim Phantom. Oui, enfin, c'est quand même surtout eux qui ont... Je ne sais pas comment ils s'appellent, s'ils s'appellent Lee Rocker ou Phantom, mais David c'est... Moons. Non, mais David Moons, je crois que c'est... Oh, je suis même plus sûr. Mais Brian Setzer était chanteur-guitariste avec un nom d'emprunt. D'accord. Ah ouais, bon... je commence à fatiguer, moi, fin d'émission. Bref, donc The Stray Cats, et puis on va écouter Rock This Town Live, c'est un live, Rock This Town, et c'est toujours dans mon petit CD Guitar Story, là, qui est assez sympa. Et il tourne toujours, pas les Stray Cats, Brian Setzer. Voilà. Allez, hop, on envoie. Rock'n'roll. unusually very good mood this evening. And they call it a Moon Bass because it takes a man to play it. Mr. Lee Rocker! Waouh, quelle énergie! Alors là, on tombe dans le vrai rock'n'roll. Enfin, on termine avec le vrai rock'n'roll. Suis-je bête? L'heure se rapproche. Ouais, on arrive vers la fin de l'émission. Donc, on a terminé avec Brian Setzer. C'était pas désagréable. Oui, mais bon, voilà, c'est mon gros regret. Celui-là, je ne l'ai pas vu en concert. Et ça me manque. Mais je ne désespère pas, il tourne encore. Ben oui, incroyable mais vrai, il tourne toujours. Bon, ben on va se quitter là. Moi, je ne serai pas là dans 2 semaines. Alors, on espère que Philippe sera là. Je vais essayer de noter. Lui faire un petit rappel. Oui, et puis appel à tous les fils. Si vous voulez passer 8 places de l'hôtel de ville, 9200 Saint-Étienne et Hermiremont. Voilà, c'est ça. Et puis on aura encore du bon rock'n'roll et encore plein d'autres bonnes choses. Et puis amenez. Ce soir c'était assez spécialisé, mais on est quand même souvent assez éclectique. Oui, de toute façon, amenez vos trucs, ça va. Voilà, c'est ça. Bon, bah, écoutez, hein, à bientôt sur le 107. Continuez avec la bonne musique de la bande musicale. Et puis on se dit ciao, bye bye. À dans 15 jours ou à dans un mois. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Salut, salut.